Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la naissance du secteur agroalimentaire ou la révolution industrielle de l'alimentation. Et on arrive avec cette révolution industrielle, et ça a été aussi la révolution dans l'alimentation. Production en masse, distribution en masse, et là, on a comme délégué nos responsabilités. C'est-à-dire qu'ailleurs, quelqu'un d'autre va faire... Ben, tu sais, c'est du blé d'Inde en crème, puis il va te faire des petits pois, puis ben, les conserves, puis les machins, puis tout ça. L'anthropologue Serge Bouchard, qui résume parfaitement l'impact de l'industrialisation de l'alimentation à l'émission Pensée libre en septembre 2006, cette révolution industrielle de l'alimentation nous a éloignés d'à peu près tout ce qui se trouve dans notre assiette. Mais quand et dans quel contexte commence donc cette révolution alimentaire? L'industrialisation, ça n'a pas toujours signifié la malbouffe. Non. Et ça ne signifie pas nécessairement la malbouffe. Je pense que la malbouffe, c'est un des aspects de l'industrialisation. Mm-hmm. Mais je pense que c'est intéressant aussi de rappeler que l'invention de la boîte de conserve, ça a changé la condition de beaucoup de gens. Et à partir donc des années 1850, et, par exemple, la boîte de conserve a eu un rôle tout à fait important avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, pour ravitailler les troupes, par exemple. Il y avait des intérêts logistiques. Plus de soldats. Et alors, les soldats adoraient ça plutôt que le rata. Ils préféraient, et ça a participé plutôt au succès de la conserve, parce que ça donnait une qualité nutritive supérieure à ce qui... à ces soupes qui pouvaient arriver, plus ou moins, bon, etc. Ouais. Si l'industrialisation a été une étape qui, à l'origine, a pu apporter des bienfaits, aujourd'hui, avec les grandes multinationales de l'alimentation, la patinoire a changé d'échelle. Ouais. Leur pouvoir d'influence, leur pouvoir au niveau de la recherche-développement. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'à la limite, ils collent trop bien au goût des consommateurs. Ils sont capables de mettre la proportion de graisse, de sucre et de sel qui va séduire. Et c'est parce qu'il y a ce niveau de sophistication, quelque part. Ils ont des équipes de recherche redoutables, ce qui fait qu'ils ont des équipes de marketing qui bombardent le consommateur, ce qui fait que, et en plus, ils sont en situation plus ou moins monopolistique dans certains secteurs, ils réussissent à peu près à imposer les produits qu'ils ont décidé qu'ils imposent. Le sociologue Jean-Pierre Lemasson, toujours à l'émission Pensée libre du 26 septembre 2006, pour nous raconter cette révolution industrielle de l'alimentation. Je reçois Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Laurent, parce que ça nous montre d'une part que dans cette histoire de l'industrialisation de l'alimentation, tout n'est pas que blanc ou que noir, et qu'au fond, au tout début, il y avait d'assez bons côtés. C'est peut-être en cours de route que ça s'est gâté. Oui, c'est remarquablement bien dit, parce qu'aujourd'hui, quand on entend les mots nourriture industrielle, automatiquement, c'est une espèce de repoussoir, de dire c'est quelque chose de dégueulasse, de surtravaillé, et ça a du gras, du sel, du sucre, ce qui produit de la dopamine dans notre cerveau. Donc, c'est une forme de drogue, en quelque sorte. Sauf qu'on oublie que ça vient d'un besoin évident, et on a ciblé l'armée dans l'extrait. Ben, c'est pour ça, entre autres, à la fin du 18e siècle, un de ceux qui va mettre en place le tout, parce qu'il y a des grands mouvements de troupes un peu partout en Europe, c'est Nicolas Appert, qui est un Français qui, lui, va combattre et veut combattre le scorbut dans les troupes de la marine française. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes avec les techniques de conservation, notamment la viande, le poisson. Bon, le poisson, on peut y mettre du sel, mais manger du poisson sans arrêt, ça finit par fatiguer. Et ça, on manque, comme le dit très bien Jean-Pierre Lemasson, de vitamines ordinaires. Et là, Nicolas Appert, lui, avec sa technique de stérilisation par le chaud, ben, ça va permettre de mettre le tout dans des bocaux dans un premier temps et dans un second temps, avec le développement de la métallurgie, dans les fameuses boîtes de conserve que l'on connaît aujourd'hui et qu'on voit partout dans les épiceries. Donc ça, c'est le début de cette première petite révolution dans la grande révolution industrielle de l'alimentation, la mise en conserve. On écoute un extrait de l'émission Le roman de la science, diffusé en janvier 1960, où on parle justement, on y revient à l'armée, on va parler de Napoléon, vous allez voir, Laurent, dans ce qui a conduit, au fond, à l'invention de ce procédé de mise en conserve. Nicolas Appert est interprété par le comédien Jean-Louis Paris, puis c'est d'abord l'animateur Fernand Seguin que vous allez entendre dans cet extrait. Napoléon faisait déjà la guerre éclair, la blitzkrieg, qui consiste à franchir rapidement de grandes distances pour prendre l'ennemi par surprise. Ces déplacements rapides posaient de sérieux problèmes d'approvisionnement, d'autant plus sérieux qu'en cours de transport, la nourriture se gâtait. et que les soldats n'avaient à manger que des aliments avariés. C'est pourquoi, en 1795, le gouvernement français offrit à un prix de 12 000 francs, soit 2 500 dollars, une fortune à l'époque, à celui qui trouverait un moyen d'approvisionner les troupes de terre et de mer d'aliments frais, qui les garderait en bonne santé. Si étrange que cela puisse paraître, la bonne méthode de conserver les aliments ne pouvait être trouvée que par un homme qui n'était pas au courant des théories scientifiques de son temps. Pour ce qui est de conserver les aliments, la vérité n'est pas dans les théories scientifiques de l'heure, elle est dans mes chaudrons. Venez, que je vous montre mon installation. Ce qu'Appert surnommait son installation n'avait rien de commun avec ce qu'on appelle un laboratoire. Il possédait un coin où il remisait les marmites et les chaudrons utilisés dans la préparation des viandes, des potages, du lait, des jus de fruits. Un autre où se faisait la pose des bouchons de liège et la mise en sac avant le chauffage. Enfin, une sorte de four de maçonnerie destiné au chauffage. Les premières conserves se faisaient dans des bouteilles de verre, imperméables à l'air, selon l'expression juste mais naïve d'Appert. Alors, l'histoire ne le dit pas, mais si je comprends bien l'extrait qu'on vient d'entendre, Laurent Turcot, notre bon ami Nicolas Appert se sera ramassé une petite fortune, 2 500 $ en 1795. Ah, c'est énorme. Oh, oui, c'est énorme. C'est vraiment une grosse fortune. Mais au-delà de cette boutade, de cette anecdote, c'est vraiment fondamental. C'est déjà ça, dans la révolution industrielle d'alimentation, une première petite révolution. Oui, c'est une révolution qui s'intègre à la grande révolution industrielle, parce qu'on le sait que depuis le 18e siècle, la machine est capable de produire de plus en plus. Bon, on parle de la machine à vapeur dès le début du 18e siècle, mais avec ça, c'est toute la chaîne de production qui augmente. Encore faut-il être capable de subvenir à une population de plus en plus grande en ville, par exemple, parce qu'il y a un exode des campagnes vers les villes. Donc, comment peut-on faire pour rendre la terre la plus efficace possible? Bon, la standardisation du matériel pour cultiver la terre dans un premier temps, et dans un second temps, il faut trouver les techniques pour amener la nourriture et surtout la conserver. Et ça, c'est les deux problèmes. Trouver des nouvelles techniques pour l'alimentation et deuxièmement, le transport. Et le transport, il existe déjà dans la mesure où le chemin de fer, dès les années 1850, commence à prendre forme, notamment en Angleterre, bientôt aux États-Unis. Au Canada, on le sait, ça va être le Grand Tronc et le Canadien Pacifique qui va unifier le pays. Là, on dit « Ah, c'est magnifique, on arrive à relier des territoires ». Attention, il n'y a pas que ça. C'est aussi pour approvisionner en alimentaire tous les espaces du pays, mais aller chercher chez les producteurs pour relier. Et tout ça fait partie de la grande révolution industrielle. Et l'autre grand... Bon, transport moderne, ça, c'est le premier élément, puis vous l'avez évoqué, la conservation des aliments. Puis il y a un mot, c'est pas compliqué, ce qui va révolutionner tout, c'est la technique de réfrigération. Ah oui, la réfrigération est déterminante. Pourquoi? Parce qu'avant, la viande était amenés dans les villes et on tuait, ben, quand je dis de la viande, ça veut dire c'est les bêtes comme les vaches, les moutons, ils pénétraient directement dans les grandes villes, même à Montréal et à Québec. Et là, on arrivait chez le boucher et on dépeçait l'animal. On le tuait aussi, donc des litres de sang qui se déversaient. Et le problème, c'est que comment peut-on acheminer cette viande sans qu'elle soit avariée? Et c'est très dangereux parce qu'il va même y avoir au 19e siècle tout un commerce de gens qui revendent de la viande avariée. Et là, on va dire, attention, là, ça devient dangereux. Et c'est en Angleterre, dans les années 1840, qu'on va former ce qu'on appelle des co-ops, c'est-à-dire des gens qui se rassemblent ensemble et qui vont dire, bon, ben là, nous, on veut de la bonne nourriture, de bonne qualité, donc on va faire des liens entre le producteur et nous. Et ce mouvement des co-ops va prendre de l'expansion qui, bien vite, va être repris par les grandes entreprises qui vont dire, ben nous aussi, on va vous offrir un produit qui est sans danger. La notion de sécurité alimentaire qui nous obsède aujourd'hui au 21e siècle, elle n'est pas neuve. Elle est au cœur de la révolution capitaliste, de la révolution industrielle qui nous a fait. C'est vrai que transporter un produit sans qu'il dépérisse, sans que ce soit, par exemple, que ça devienne de la viande avariée, dans le cas de la viande, c'est évidemment un bénéfice économique. On veut vendre ce produit. On veut, parfois, il part de très, très loin. La réfrigération, ce sera... Le procédé, on est quoi? Autour de 1870, par là? Les premières tentatives de réfrigération, souvent, c'est que c'est sur glace, c'est-à-dire c'est qu'on coupe de la glace, notamment à Montréal ou à Québec, en même le fleuve. arrivent, on les met dans des espèces de glacières et là, on peut entreposer la viande. Sauf que dans certains cas, on se dit, il faudrait peut-être trouver quelque chose qui soit plus constant parce ouais. que le problème de la constance du froid va toujours rester. Et là, on va trouver des techniques, notamment dans les brasseries de réfrigération à l'ammoniac dans les années 1870. Mais encore une fois, il nous manque une espèce de courant continu pour permettre la réfrigération. Et là, quand je dis courant continu, ouais. bien sûr, c'est l'électricité. L'électricité va permettre de développer tout un ensemble de produits du quotidien. Et là, on en arrive bientôt au fameux réfrigérateur. Ouais. Cet objet qui, dans notre cuisine, est obsédant de place parce que c'est lui qui assure la fameuse sécurité alimentaire dont on parlait. Mais qui est important parce que autant l'industrie, avant, dès le 19e siècle, va réussir à réfrigérer ses produits, à les transporter dans le froid avec la glace, puis ensuite un procédé de réfrigération, autant quand à l'autre bout de la chaîne, quand le frigo arrive chez nous, là, vraiment, c'est la révolution. Ah oui, c'est la révolution. Et là, souvent, les gens, quand ils pensent au réfrigérateur, on se dit, oh, 1950, pas du tout, c'est bien avant. 1913, à Chicago, entendons-nous qu'avec la période des 30 glorieuses, la période qui va d'après-guerre, de 1945 à 1970, cette grande période d'expansion économique, là, ça va devenir des produits de consommation ordinaire. Mais après la réfrigération en 1913, ça va bientôt être les techniques de congélation en 1923 et de surgélation. C'est-à-dire que là, on est véritablement capable d'assurer que le produit arrive en bonne qualité chez vous et que vous puissiez le conserver. Ce qui fait que de une semaine de conservation, on passe à des mois. Et c'est énorme parce que ça veut dire que durant l'hiver, vous pouvez manger de la viande toute l'année. Ouais. Mais quand je dis viande, c'est fruits, légumes, en tout genre, bien sûr. Il y a du surgelé déjà en 1930. Moi, j'étais étonné d'apprendre ça en préparant cette émission. Les années 50, vous l'avez évoqué, c'est vraiment le grand bouleversement. C'est d'abord le four micro-ondes, les premiers, c'est les années 50. C'est les repas, les fameux repas préparés d'avance, les fameux TV dinner de la compagnie Swanson, 1953. Et donc, parlez-nous de cette révolution alimentaire qui est aussi, Laurent Turcot, il faut bien le dire, une révolution sociologique. Ah, complètement. Révolution sociologique, vous avez raison de le dire, parce que la grande idée, c'est de savoir comment ça se fait que cette nourriture industrielle est passée dans le quotidien, dans l'usuel, dans le « oui, c'est normal ». Parce que vous remontez dans les années 40, on cuisinait encore énormément. Le four à micro-ondes, en 1953, qui arrive, là, on se dit, bien, maintenant, il faut préparer les choses pour le micro-ondes. Il est énorme, hein, le micro-ondes. Oui. Aujourd'hui, il est tout petit, mais à l'époque, c'était l'équivalent d'un four ordinaire. Eh bien là, c'est toute l'industrie de la transformation. Parce qu'on a parlé de la guerre tout à l'heure. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine va développer tout un ensemble de techniques comme des pommes de terre déshydratées, des aliments lyophilisés, du café instantané. Et là, au sortir de la guerre, on se dit, bon, ben on a un surplus. Comment on va passer notre surplus? La technique classique, c'est qu'on dit, ah, ben les femmes ont voulu se libérer, donc on a remplacé la chose. Ben c'est plus complexe que ça. Oui, c'est vrai que le mouvement du féminisme, l'émancipation des femmes. Et dans certains cas, certaines se disent, bon, ben je veux aller sur le marché du travail. Ouais. Et là, il va y avoir des débats pour savoir, bon, ben comment on va organiser la nouvelle division du travail. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va entrer avec les grandes compagnies industrielles qui vont dire, non, vous en faites pas, on s'en occupe. Swanson, notamment, va dire, la femme arrive de travailler à 5 heures le soir, ben vous mettez le TV dinner directement dans le micro-ondes et c'est lancé. Donc là, on est véritablement dans l'idée que la grande industrie alimentaire va s'aligner sur les préoccupations sociales féminines et vont leur dire, bon, ben libérez-vous, nous vous donnons les clés. Ouais. Encore une fois, ce qui nous a servi aujourd'hui, on l'oublie, ça a été une technique pour se libérer. Ouais, gain de temps à l'époque, puis aussi toute une espèce d'imagerie de la modernité. On est beaucoup là-dedans, on mange des aliments aux couleurs qui aujourd'hui nous feraient peur. C'est un orange phosphorescent, si vous voyez un peu ce que j'ai en tête. Non, mais on est là-dedans, des produits dont on voudrait plus. Ça fait très moderne. Le TV dinner, c'est très moderne quand Ça arrive. C'est le symbole de la modernité complète. Et il y en a un qui incarne, selon moi, je pense, ce symbole de la modernité qui aujourd'hui nous répugne, c'est le Spam, le fameux spiced ham que l'on met dans une boîte. Ouais. Et là, vous regardez les publicités qu'il y a sur Internet, vous allez voir, on dit le spiced ham, donc du Spam avec des pêches en conserve. Vous pouvez mettre de l'ananas en conserve. Mmh. Et ça, c'est le summum de la beauté, des aspics dans lequel on met cette espèce de jello salé dans lequel on met justement de la viande à gauche et à droite. Regardez la fameuse télésérie Mad Men où on voit cette espèce de cuisine qui nous répugne, mais qui, à l'époque, vous l'avez bien dit... servait le samedi soir à ses invités. Quelle chance ils avaient. Il y a des joueurs importants. Il y a un marché à prendre. Et il y a des joueurs importants, de gros groupes qui vont se disputer, mais farouchement, les parts de marché, qui vont aussi prendre un très grand soin à la façon dont ils nous présentent les produits. On revient sur l'importance de la mise en marché, du marketing, de la publicité, tout de suite après cet extrait du documentaire Alimenteur Food Inc., réalisé par Robert Kenner en 2008. Notre façon de manger a changé davantage depuis 50 ans qu'au cours des 10 000 dernières années. Mais l'image utilisée pour nous vendre la nourriture est restée celle d'une Amérique bucolique et agraire. Au supermarché, nous sommes bombardés d'images de fermiers. La clôture de bois, le silo, la petite maison de campagne et les étendues vertes. On nous présente un fantasme pastoral. Un supermarché américain propose 47 000 produits en moyenne. Dans les supermarchés, les saisons n'existent pas. On y trouve des tomates à l'année. Cultivées à l'autre bout du monde, on les cueille vertes avant de les faire mûrir à l'éthylène. Elle a l'apparence d'une tomate, mais ce n'est plus qu'une tomate conceptuelle, une idée de tomate. Les os ont disparu du comptoir des viandes. On a délibérément tiré un voile, un rideau opaque entre les gens et leurs aliments. L'industrie ne veut pas que vous connaissiez la vérité sur ce que vous mangez. Vous risqueriez d'en perdre l'appétit. Fascinant cet extrait parce que ça nous montre le fossé, Laurent Turcot, qui existe entre ce que l'on mange et ce que l'on croit manger. On en vient en écoutant cet extrait à se demander si l'on sait vraiment ce que l'on mange et la réponse est probablement non la plupart du temps. C'est important, cette espèce de mensonge, cette fabrication. L'industrie, elle met le paquet dans la publicité, dans la mise en marché pour nous vendre cette nourriture industrielle. Oui, c'est un mensonge que l'on veut, auquel on veut bien croire et on y croit parce qu'on n'arrête pas de nous lancer l'idée que faire la cuisine, c'est long, c'est laborieux, c'est difficile. Donc, on a la solution pour vous. Mm-hmm. Et quand vous regardez... Avec un emballage qui nous ramène, soi-disant, à la ferme. C'est ça qu'on nous vend une image. Ah oui, c'est exactement ça. On est dans une espèce de 1984, mais on y est déjà. Les gens disent, quand va-t-on y arriver? On y est déjà du point de vue de l'industrie alimentaire. Parce que dès la fin du 19e siècle, les grandes compagnies vont comprendre que la publicité permet de rassurer. Ouais. Parce que quand on va vers un produit, on dit, bon, ben on a le choix de 25 sortes de jambon. On va vers l'étiquette qui nous rassure. Et là, vous allez avoir des équipes de marketing qui vont travailler sur les couleurs. Le rouge est réconfortant, ça donne envie de manger. Le jaune aussi. Comme par exemple, ce sont les deux couleurs qui vont être utilisées par une grande chaîne de restauration rapide qui vont être McDo. Donc, il y a toute une espèce d'organisation qui fait que ce que vous mangez, avant d'être nourrissant, avant d'aller chercher les vitamines nécessaires, c'est surtout un plaisir esthétique. Un plaisir esthétique qui rassure parce que l'idée de la sécurité est encore là. Mais attention, quand vous cuisinez et quand eux cuisinent, ce n'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. Et quand vous regardez l'étiquette derrière, ben, il n'y a pas de truc qui finit en fine ou quoi que ce soit. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille les aliments comme tels, alors que eux, c'est de la cuisine chimique, carrément. C'est le repas à l'usine qui sort de l'usine. Et dans cette grande chimie alimentaire, il y a, vous l'avez évoqué, mais on ne l'a pas encore abordé, la restauration minute. Qu'est-ce que ça va changer? Ça arrive quand? Ça change quoi dans nos vies? La restauration minute va véritablement prendre son assise après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que justement, on disait qu'avec la redéfinition des rôles homme-femme à la maison, il va aussi avoir toute une nouvelle esthétique. Une esthétique de la télévision et une esthétique du drive-in. C'est-à-dire, il faut profiter au maximum de ses loisirs et comme le repas, dans un certain sens, permet d'empêcher les loisirs, ben on va se dire, on va mélanger les deux. Donc, regarder la télé en prenant les TV dinners dont on parlait tout à l'heure et aller en voiture dans les fast-foods où vous allez manger. Et un des films qui est magnifique là-dessus, c'est le film The Founder sur l'histoire de McDonald's où vous avez ce personnage qui va commercialiser la chose, qui lui se rend compte, il dit, OK, on est en train de renverser complètement les codes de comportement. Les gens ne s'assoient plus dans un restaurant partent avec le repas et mangent où ils veulent. Il dit, voilà le symbole de l'Amérique nouvelle, symbole dans lequel on est encore aujourd'hui. Et la seule différence qu'on a rajoutée, et ici au Québec, on le sait parce qu'on est très marqué par ça, c'est le système de livraison. Oui. Et ici, un de ceux qui vont, le restaurant qui va le comprendre, c'est Saint-Hubert Barbecue. Si je vous dis drink, drink, drink, que désirez-vous, oui. Je sais que déjà tout le monde a répondu put, put, put, Saint-Hubert Barbecue. Oui. Parce que c'est le symbole de la livraison. Vous n'avez plus à travailler. On s'occupe de vous. Mais ça va être difficile quand même dans ce secteur de la restauration minute d'imposer des saveurs locales. En fait, c'est vraiment le monde de la multinationale. Moi, je pense que vous parliez de cette grande chaîne McDonald's, mais d'autres dans le monde. Souvent, la façon d'arriver à s'adapter à un marché, c'est dans le menu du géant de la multinationale en question d'ajouter un ou deux éléments qui se rapprochent un petit peu des habitudes alimentaires d'une population. On est dans une mondialisation standardisée. Vous avez raison de le dire. Et dans tous les cas, on se dit, ah oui, mais la viande que l'on prend pour nos hamburgers, c'est une viande d'ici. Oui, mais qui est traitée de la même façon ici, à Delhi, qu'à New York, qu'à Londres. Ouais. Et la technique, en fait, le modèle de base commerciale, rappelons-le quand même, c'est de prendre les ingrédients les moins chers, les rendre les plus séduisants possibles sans dépenser beaucoup d'argent. Ouais. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on ajoute du sel, de la matière grasse et du sucre. Ouais. C'est la base de tout. Ouais. Et ça donne, on termine l'émission là-dessus, d'abord, sur le plan de sécurité alimentaire et des questions importantes, on y revient dans un instant, mais sur le plan de la santé publique, c'est la catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. On a rarement eu autant de cas de diabète comme on en a aujourd'hui. Et le fameux documentaire Super Size Me met en vedette, justement, le cas d'un homme qui décide de ne manger que du McDonald's pendant un mois. Ouais. Et ça devient presque dangereux. Il y a un cardiologue qui lui dit, vous êtes en train de vous tuer. Ouais. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de s'assassiner nous-mêmes en mangeant ce genre de nourriture? Et plusieurs se disent, il faut revenir à quelque chose de plus sain. D'où la mode qui est de moins en moins de mode, de la mode végane où on se dit, il faut revenir à la base de ce qui fait la santé de l'homme. Oui. Sauf que l'industrie ne veut pas perdre, est en train de perdre un marché dans les pays riches, mais se tourne vers les pays moins riches, les pays en voie de développement pour cultiver ce marché qui nous a alimentés pendant des années, nous. La Chine et l'Inde sont en train peu à peu de perdre une cuisine nationale parce qu'on dit, on veut là aussi s'établir, donc uniformiser, et dans certains cas, plutôt que de faire un curry, ben on va faire venir du poulet frit Kentucky à New Delhi. Et puis cet autre problème, en un mot, la crise alimentaire, la sécurité alimentaire. On a parlé de la santé publique, mais il y a eu des exemples aussi dus à cette industrialisation à outrance où on a été dans des crises de sécurité alimentaire. La fameuse crise de la vache folle qui encore aujourd'hui nous a obsédés, où est-ce qu'on a jeté par l'eau des paquets de viande et même encore on a fait abattre des troupeaux, ou encore plus près de nous au Québec, la fameuse crise de la listériose avec les fromages où on a dû tout balancer. Donc l'industrie alimentaire qui devait assurer la sécurité, ben, peut-être qu'elle a encore des failles et peut-être qu'il faut revenir à la base de la nourriture, celle que l'on avait avant la Révolution industrielle. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Christian Côté et Philippe Couture, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.